patele e sa o pekete ale Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te rendons gloire et hommage au nom de Jésus-Christ pour l'occasion merveilleuse que tu nous donnes ce soir de recueillir nos âmes en ta sainte présence et nous rassembler au nom de Jésus-Christ. Reçois chacun de nous, Seigneur, par devant toi. Et écoute nos prières. Envoie la parole. Qu'elle édifie notre homme intérieur. Depuis du vieil homme. Et nous rende semblable à Jésus-Christ. Conduis la prédication du début jusqu'à la fin. Et gère le climat qui nous environne ici. Avant que la pluie fasse bien à la terre, permet à la semence de croître et de produire. Mais à cet instant, nous avons besoin de couper ta parole dans les bonnes conditions. Prends soin de chacun de nos seigneurs. Et toi, le maître de l'univers, fais prévaloir ta volonté. Pour la gloire de ton Seigneur, Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu ici dans la Sainte Bible. Matthieu chapitre 16. Nous prenons le verset 13. Verset 17. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Bamosusuete Elia, Bamosusuete Ilimia, Bamosusu Mokona Batakoli. Alobina Bangoete, Dobino, Boko Bakaete, Naina Jali Nani, Simona Petro Azongi Sete, Yo Jali Christo, Mona Nanjangi Nabomoi, Yesu Azongi Teliete, Esengona Yosi Mona Mona Nayona, Zambi Mosuni Poma Tila, Imonisi Yango Nayete, Kasi Tatana Nai Nalikolo. Jean chapitre 8. Nous prenons le verset 15 à 18. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage des hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Dino bojali kosambi salokola jali nzoto, lengai na kosambi sa mototo. Kotongainde na kosambi sa etate ni nangai e jali sombo. Kote na jali bobo lengai mototo kasi biso na motindi nangai. Kati na mitoko na dino e komani yote, litate li na batomi bale e jali sombo. Laïna jali pour tato la ponangai, mokope, tata mousin dinangai, ajali pour tato la ponangai. De Corinthiens chapitre 5. La Corinthiens et nous balayons, mokapou et mitano. Le verset 16. Molongazoni, mokoba. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Est-ce que tout le monde m'entend? Là derrière, on m'entend? Oui. Ok. Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous allons poursuivre l'exploitation de notre sujet pour le grand thème ici qui n'est pas, qui pose être long. Comment, éprouver un ministère de la parole? La réponse à cette question, vous la possédez déjà. Et par la parole elle-même. Il n'y a que la parole qui doit éprouver ou tester. Mais elle le fait au travers des hommes et des femmes. Remplis du Saint-Esprit. Régénéré, spirituel, né de nouveau. Parce que cela ne faut pas utiliser des critères charnels. Les choses de l'esprit ne se jugent pas charnellement. Mais nous avons vu et compris que c'est spirituellement qu'on juge. Donc il ne faut pas venir avec la connaissance intellectuelle ou avec les notions de la coutume familiale. Ou mettre en exergue les sentiments charnels de jalousie, de complexes et des choses. Nous avions lu, on peut relire dans 1 Corinthiens 2, le verset 14 et 15, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et parmi les choses de l'Esprit de Dieu, il y a les bénédictions rattachées à la rétention. Les bénédictions liées à l'effusion du sang de Jésus-Christ. L'homme charnel, l'homme animal ne fait pas ça. Et parmi les choses de l'Esprit de Dieu, il y a les 9 dons spirituels. L'homme animal ne peut pas juger les sacrés connaissances. Et parmi les choses de l'Esprit de Dieu, il y a les révélations de la parole. Dieu révèle ces choses à ses enfants. Il faut être humble et petit pour reconnaître la puissance de la révélation, son originalité et sa véracité. L'homme animal ne va pas recevoir ça. Et parmi les choses de l'Esprit de Dieu, il y a le ministère de l'Esprit. Les ministères pluriels de l'Esprit. Et nous sommes en train de revoir ici qu'il y en a 5. Principalement 5 ministères. 5 offices placés par Dieu. L'homme animal, l'homme naturel, l'homme livré à lui-même. L'homme avec son savoir charnel. Ne peut ni connaître, ni accepter ces choses. Il aura toujours des problèmes et des contestations. Il faut naître de nouveau. Parce qu'il est dit au verset 15, l'homme spirituel concret juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, vous n'allez pas procéder à un jugement téméraire ou vexatoire. Un jugement d'exhibitionnisme pour faire parler de vous, finalement vous vous livrez à ce jugement et ça vous noie vous-même, oh miséricorde, il faut que ce soit selon la parole et par la parole, par les choses de l'Esprit de Dieu, spirituellement connaître. Même la manière dont nous en parlons, au verset 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Voyez ça? Donc, ce sont des choses de l'Esprit de Dieu qui nous sont révélées par la grâce de Dieu. On a dit c'est un esprit lui-même. Et quelqu'un ne peut pas venir dire, moi j'ai beaucoup étudié, on ne peut pas le tromper. Comme dit le fondement, la garantie, il a fait espérer qu'on le trompe, ce sont les esprits qui l'ont fait. Alors, ça n'a rien à voir. On a étudié ou pas, le Seigneur a dit, sur cette voie sainte, même l'insensé ne s'égarait. Ça ne dépend pas du savoir charnel ou intellectuel, scolaire ou académique. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force de l'homme, ni par l'humain. Mais Dieu a dit, c'est par mon esprit. Zacharie, chapitre 4, une vérité qui mérite d'être rappelée. Dieu met le Saint-Esprit comme étalon à mes yeux. Zacharie chapitre 4, il est écrit ceci, vous le savez, au verset 7, il dit, je prends le verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel est celui qui disperse la confusion. C'est celui qui dissipe la confusion. C'est ça la signification de Zorobabel. C'est celui qui dissipe la confusion. Qui met fin à la confusion. Pour remettre la lumière et la parole lui adressa ses mots. Il va venir avec la confusion, avec la tromperie, les perversions, le règne du péché, les hypocrisies, ne compte pas sur le bras charnel, ne compte pas sur la force physique, ne compte pas sur la gymnastique, l'exercice corporel sert mais à peu de choses. Il faut la piété, chercher à être sans Dieu. Si c'est ici la parole que l'Éternel avait à Zorobabel, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit que l'Éternel a armé. Je voulais que les choses soient agréables à Dieu, et pour que ça vienne de l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit est lui seul qui doit révéler, manifester, il doit confirmer, il doit juger, il doit identifier. Comment identifier le ministère? Le Saint-Esprit le passe. Comment connaître qu'on a un ministère? Le Saint-Esprit vous le révèle. Il doit vous parler. C'est toute la ligne. C'est ni la puissance, ni la force des paroles. Quelqu'un d'ailleurs sait beaucoup parler. Il a acquis de l'éloquence. Il n'a rien à voir. Il faut l'Esprit de Dieu enseigner. C'est pas le bavardage. Le verbiage. C'est pas ça. Il faut l'Esprit de Dieu. Et Jésus a dit, vous là, vous jugez selon la chair. Et moi, je ne juge personne. Mais si ce que je fais peut être considéré comme un jugement, il peut vous arriver de penser que mon attitude, mon action, mon expression est un jugement, alors mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais celui qui m'a envoyé est avec moi dans tout ce que je fais. Et donc même dans le jugement, vous pourrez vous paraître là, être respecté par moi. Je ne suis pas seul, mais celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre nom que le jugement, le témoignage de des hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Et moi, Jésus, je juge ce que je suis. Et je déclare ce que je suis. C'est un jugement. Je rends témoignage de ce que je suis. Je suis jugé et je sais que je suis tel. Je suis tel et tel. Et mon père, lui aussi m'a jugé. Et il rend témoignage de moi. Le témoignage que mon père rend de moi. Et certainement similaire au témoignage que moi-même je rends de moi-même. Par conséquent, mon jugement est vrai. Et si vous le connaissiez, donc, si vous me connaissiez moi, vous connaîtriez aussi mon père. Voilà ce que c'est. Et ces gens sont restés à les regarder. Mais il a dit, eux jugeaient selon la chair. Mais Jésus-Christ ne jugeait personne. Il faut s'appuyer sur la chair. Le genre de jugement ne pouvait nullement provenir. Toi aussi, frère, prends-le comme ton modèle. Prends Jésus comme ton exemple. L'exemple le plus parfait. De même que de lui ne pouvait provenir aucun jugement charnel, je te conseille, je te recommande, vérifier aussi toute la ligne de ta vie, de sorte que tout jugement charnel qui reviendrait de toi, dégagerait de ta personne, soit nul et inexistant. Et si tu as un jugement pour toi, que ce soit toujours spirituellement, que tu te serves du Saint-Esprit comme source d'inspiration, source de révélation, source de matière à étudier. Dieu, aide-moi. Je ne veux pas le faire de moi-même. Je veux que le jugement vienne de toi. Parce que je sais que si je juge de moi-même, mon jugement sera faux. Et Dieu de grâce nous vienne en aide. Allez-vous là? Ici dans 2 Corinthiens chapitre 5, la faillibilité et l'inutilité du jugement de la chair. C'est encore faillible. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. J'aimerais que chacun de nous en arrive à ce point. Comme Paul et les saints d'autrefois, je veux dire, tel que je connais mes frères, tel que je connais mes soeurs, tel que je connais les serviteurs de Dieu, je n'ai pas besoin de les connaître selon la chair. Ah, parce qu'il a dit qu'il est prédicateur, moi aussi je crois qu'il est prédicateur. C'est inutile pour vous de tenir une telle foi. Il a dit qu'il est pasteur. Moi, je crois. La Bible a dit de croire tout. C'est faux. Il faut que vous puissiez juger spirituellement. La Bible a dit, et nous le répétons, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Naturellement parlant, vous êtes susceptible de le faire. À cause de la politesse et de la bonne éducation naturelle, vous allez m'accorder à faire un mot latin à vous conduire à l'ami. Après faire confiance pour n'importe qui. Vous êtes la motonani motema. Pour être gentil avec lui. On a posé la, mais la parole dit dans 1 Jean 4. On peut y revenir encore là. Commenter, on peut y revenir. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si ils sont de Dieu. Plus de faux prophètes sont venus par le monde. Et vous n'avez pas jugé charnellement. Quelqu'un qui sollicite votre confiance, vous êtes aussi gentil, si poli pour vous donner gratuitement. Et par les choses spirituelles. Non. Là, c'est de la naïveté. Dieu ne peut pas vous approuver comme ça. Soyez plus sérieux avec les choses. Soyez plus sérieux dans les choses spirituelles. Ne vous laissez jamais emballer. Vous avez le devoir d'éprouver. Éprouver quoi? Non pas les chairs des gens pour voir qui l'a quel est son périmètre brachial, quel est son périmètre thoracique, Éprouvez ça. Qu'il soit bon ou mauvais. Mais le test doit être fait. Êtes-vous là? Quand vous allez regarder quelqu'un comme le pape qui est au Vatican là-bas. Avec M. Charnel. N'est-ce pas qu'il a l'apparence et la piété? N'est-ce pas qu'il a tout d'un frère? Avec une marche tranquille et posée? C'est la chair qui va vous dire ça. Spirituellement. Quand le jugement de la parole vient, il vous dit que c'est lui l'Antichrist. Quoi? Oui frère. Oui ma soeur. Oh, mais lui là. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment? Qui peut montrer l'Antichrist? Il lui donne des bons conseils. Pour la famille. Mais l'Antichrist dont la Bible parle, c'est lui. Ah, c'est le jugement de la parole. Vous voyez que ça n'a rien de commun avec ce que vos yeux et votre connaissance intellectuelle peuvent vous dire. Il peut aller consulter des livres et des bouquins qu'il a écrits. S'il ne va pas voir quelque chose de si mauvais que ça, tout semblera dans la logique d'une théologie normale. Mais la parole vous dit, l'Antéchrist là, comment peux-tu imaginer? C'est spirituellement qu'on a changé. Donc, si nous connaissons le pape selon la chair, oh, c'est un Saint-Père, c'est un homme social, il est généreux, il partage, ça c'est selon la chair, il partage. Et c'est incompatissant. Il peut voler au secours des misérables. Ça, c'est selon la chair. Mais quand vous allez les juger spirituellement, Vicarivis Filii Dei. Sentiment à part. Titre honorifique. Il s'appelle Vicarivis Filii Dei. Le vicaire du Fils de Dieu. Donc c'est lui, le remplaçant du Fils de Dieu Jésus-Christ. Cette identité est-elle conforme à la parole? La parole dit qu'au bout de 62 semaines, un Messie sera retranché. Il n'aura pas de remplacement. Dès que vous voyez quelqu'un qui se présente comme étant le remplaçant, c'est déjà anti-parole. C'est l'Antichrist. Mais pour ce qui est des êtres sociaux, de la compassion, de pouvoir ordonner les prêtres, de pouvoir ordonner les prêtres, de l'éternel sur eux, un bon frère, vraiment. Et c'est spirituellement qu'on a jugé. Et ça, il y a un sentiment antipathique. Moi, je n'ai pas de problème avec... Carole Wotchila. Il est dans le milieu des chrétiens. Mais spirituellement, Antichrist et Yohan. Or ça, il faut la révélation pour saisir. Sinon, il y en a certains qui peuvent s'asseoir ici. Et quand ils s'attendent, ils peuvent encore s'achoper. Mais là, le pasteur commence à exagérer. Comment il peut aller jusqu'à dire ça? Ça devient trop. Qu'il condamne le péché, on sera d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans le pape? Spirituellement. Qu'on en juge. Si vous regardez la chair, elle ne peut que vous montrer de bonnes choses. Et vous serez fanatique de quelque chose qui est faux. Alors, Paul a dit, nous l'avons lu ici, 1 Corinthiens 5, verset 16. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Quand on dit personne, donc, lui, dit, même dans l'église, même en dehors de l'église. Quand je dis que je voudrais que chacun de vous en arrive là. Il faut que vous puissiez connaître tout le monde. Et spirituellement. Attends, ensemble à l'église Nabino. Ce n'est pas pour ensemble à l'église Nabino, nous sommes ensemble. Il faut juger spirituellement. Et c'est bien pour ensemble à est-il un enfant de Dieu? Azali a solomon en Zambé. Est-elle une fille de Dieu? Azali Penza Mona Mosha Zambé. Spirituellement! Amolimo. Vous devez le savoir. Vous savez le couille bango. Au point que. Ah, Mosanda été. Si on vous demande, connaissez-vous frère tel? Si vous avez une déco songolo. Oh, selon la chef, oui. Pour l'année l'an zoto, oui. Mais selon l'esprit, pas encore. Parce que l'année l'an molimo n'a inouté. Connaissez-vous Serine tel? Oui, selon la chef, oui. Elle est membre de notre tabernacle chrétien. Zoto, vous allez dans ma carte, c'est ma chère, nous confessons la même foi. Mais pour moi, c'est un acte d'aller dans la foi. Pas encore. Parce que l'an molimo, c'est-à-dire, ce n'est pas encore la révélation. Pour le discernement, c'est qui il est. Na oui, Azali. Tant que le Saint-Esprit ne vous l'a pas vous référé, ne vous appuyez pas que sur le jugement de la chair. Nous devons en arriver à connaître tout le monde. Non plus selon la chair, mais spirituellement. Comme ça, quand il entre ou quand il sort, il sait de qui il s'agit. Ah oui. Amen. Que ce soit le ministre qui prêche. Il a la bâtie, le prédicateur qui défile ici. Même les visiteurs. Il faut que notre relation avec Dieu nous permette d'arriver à faire ce qu'il où nous pouvons dire comme Paul. Et laissez notre foi. Nous, pas cher. Nous ne connaissons personne de votre cher. À commencer par Jésus-Christ lui-même. On ne va pas dire nous connaissons Jésus parce qu'on nous a dit qu'il prêchait qu'il est le Fils de Dieu, on nous a dit qu'il prêchait qu'il est l'envoyé de Dieu, on nous a dit qu'il prêchait que c'est lui le prophète pour nous envoyer. Non, il faut que ce soit ce que l'Esprit vous a révélé et que vous allez déclarer avec assurance, que vous direz avec certitude, Dieu m'a fait voir. Zambé, m'a fait savoir qui est celle-là. Qui est celle-là? Yé Azalinani wa moi. Dieu. Zambé. Ce n'est plus ma chair. Il faut que Dieu te révèle. Parce que chacun accepte ça. C'est si tu acceptes d'abord que Dieu viendra t'aider. Les principes, tu vas dire, ah. Mais on va nous demander, c'est pour en faire quoi? Donc, pour en faire quoi? Quelque chose que Dieu enseigne? Quelque chose que l'église primitive pose? C'est écrit au pluriel. Nous ne connaissons personne selon les gens. Nous continuons à connaître les gens selon les gens. Et quand vous serez déçus de leur comportement, c'est alors que vous allez vous demander qui était celui-là. Vous attendez d'abord le scandale. Vous allez poser la réalité. Traitez avec Dieu. Dieu peut vous dire qui est qui. Car il est écrit clairement dans la Bible que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc, si tel est de Dieu, Dieu peut te le faire savoir. Non pas par fanatisme, non pas par esprit de groupe. Alors, on va la chambre de la chrétienne, parce que forcément, ça élit de Dieu. C'est pas ça le fondement de l'église. Quand tu aimes Dieu, tu diras que c'est facile. Même si tu te sens incapable de compter au moins 5 personnes qui te connaissent spirituellement dans ta propre église ou dans ta propre famille. Toi, un père des enfants. Connais-tu tes enfants spirituellement? Toi, une mère. Yo maman. Connais-tu tes enfants spirituels? Oui, toi l'enfant. Yo, connais-tu tes parents spirituellement? Oui, et si tu es chrétien engagé, nous t'encourageons. Nous t'exhortons. Nous te recommandons. Nous te recommandons ta relation avec Dieu. Nous allons arriver à dire comme Paul et Saint notre Père. Nous ne connaissons personne seulement. Selon la chair, c'est mon Père. Selon l'esprit, voilà son identité. Selon la chair, c'est mon fils. Selon l'esprit, c'est un démon. Ça, quand le Saint-Esprit vous a parlé, vous n'aurez pas trop aux yeux de l'identité. Vous parlerez avec certitude. Parce que le témoignage de Dieu est toujours vrai. La parole qui sort de la bouche de Dieu est toujours vraie. Amen. Amen. Et quand nous avons ça, nous il y aura moins de plaintes les uns des autres. Quand quelqu'un fera quelque chose, tu te souviendras de son identité spirituelle et tu diras, mais c'est normal. C'est normal qu'il fasse ça. Ça ne m'étonne pas. Je sais que c'est lié à sa nature. C'est lié à son identité spirituelle. Que Dieu lui fasse grâce de changer de nature d'abord. De convertir, de naître de nouveau. Alors nous pourrons nous attendre au fruit de la parole de la terre. Mais quelqu'un qui la parole ne demeure pas. Pour avertir qu'il produit l'esprit de la parole. C'est impossible. Voilà. Ainsi, nous ne connaissons personne selon le Christ. Et si nous avions connu Christ selon le Christ, maintenant, Amen. Même Jésus-Christ commence à parler. Maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. C'est que dans la marche chrétienne, il y a toujours une étape hein, où vous connaissez les gens selon la chair. Et vous connaissez Dieu selon la chair. Vous connaissez le Messie selon la chair. On peut comprendre à une étape. Mais je vous ai dit, il faut progresser. Il faut développer ta relation avec ton Dieu. Tu peux le lui demander et il te répondra. Tu as l'assurance? Dieu est à la fois le Dieu des esprits. Et il est également le Père des esprits. Il est tout ça. Pouvons-nous lire un peu ici? Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde. Qu'elle puisse nous aider à son habito, comme sa parole est merveilleuse. Le oh oui, à quel point sa parole est merveilleuse. Dans Hébreux au chapitre 12. Vous voyez ce qui est écrit là-bas. Hébreux chapitre 12. Il dit ceci. Le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Na koneka bonyi ebongi ete toto sa tata na milimu ete toja la na bonyi. Donc il y a un père des esprits. Il a tata na milimu. Il est un seul et c'est Dieu. Alali moko feza ni zambi. Il est le père des esprits. Alali tata na milimu. Donc parce qu'il en détient la paternité. Et il y a simbi qui vaut tata. Certainement qu'il en connaît l'identité. Wana ya solo solo ya yebi nolenge. Il en connaît les identités. A yebi nolenge. Tata na milimu. Et dans l'inzambi na biso. Vous traitez bonne relation. Et nous encourageons que votre relation avec lui soit la meilleure, la plus excellente. Que votre relation avec ce Dieu-là soit la meilleure et la plus excellente. Amen. Gloire à Dieu. Donc, que ce Dieu-là puisse vous révéler les identités. J'aime tellement ça. Que nous puissions nous attendre à lui. Et que son esprit nous rappelle ce qu'il y a dans celui-ci ou dans celui-là. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Vous allez voir? Oui. J'aime la manière de Dieu de faire. Qu'il puisse se révéler à chacun. Plus il t'approche de lui, plus il te révélera des choses cachées, inconnues de toi, des choses secrètes qui peuvent paraître difficiles. Dieu est capable de te les révéler. Il détient tous les secrets. Dans Nombre chapitre 27, il est dit ceci au verset 15 et 16. Parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Mose a levé la kia ou été. Si kaya ou zambé na milimo na batoyoso, apona motona liboso na lingumba. Le Dieu auquel il a parlé. Zambé ta yapia si koloba. Auquel il a adressé cette prière. Oui, mais c'est le Dieu des esprits de toutes. Moi, mon travail touche à sa fin. Dieu connaît tous les esprits. Quand je veux m'en aller, je ne veux pas que l'autre soit détruit. Mais je me confie à ce Dieu-là. Il est le Dieu des esprits de toutes chers. Parce que lui seul, il connaît les esprits. Établisse sur l'assemblée. Amen. Amen. Quelle prière. Que Dieu qui connaît les esprits, qui en est le Dieu, établit sur l'assemblée. Il connaît les esprits. Et alors, il dit au verset 17, qui sorte devant eux, et qui entre devant eux, et qui les fasse sortir, et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Oyo akobima liboso na bango pe akoyingela liboso na bango. Oyo akokamba bango pe akokotisa bango na ntina ete lingomba na yabo ezala lokola bampatie bajangi mobateli te. Et parce que Dieu est celui qui répond aux prières, il n'a pas tardé de répondre à la prière de son Seigneur. Il intervient par révélation pour communiquer à Moïse l'esprit que lui a reçu. Lui qui connaît les esprits. L'Éternel dit, verset 18-19, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Yahweh le veut la qui m'a séité. Kamata yo soit mon nom, nuni, motoyo molimo ezali kati na ye mpe lalisa loboko na yo likolo na ye. Tu le placeras devant le sacrificateur Eléazar et devant toute l'assemblée et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Termisaye liboso na nganga Eléazar pe liboso na lingomba mobimba pe okolakela ye miboko na mosala na miso na bango. Tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Voilà l'ordre dans la maison de Dieu. Il ne n'a pas dit je vais mourir, je vais chercher mon petit frère. Je vais voir parmi mes enfants qui peut faire bien mon enfant. Je vais souffrir de cette œuvre. Je vais tout donner à n'importe qui. Je vais donner ça à mes enfants. Mes choses charnelles comme ça. Montrer qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Oui, je suis là. Amen. Amen. Vrai. Moïse a tant souffert. Il a eu 45 années. Mais quand l'heure de son départ arrive, il prie l'éternel Dieu. Lui qui est le Dieu des esprits de tout ser. Lui qui connaît qui est fini de tout ser. Et que l'œuvre célèbre de Dieu parle d'individu. Que lui seul établit sa tête de l'église. Un homme qui sortira devant eux, qui entrera devant eux, qui les fera sortir et qui les fera entrer. Un homme. Et Dieu a répondu. Pourquoi ne pas aller sur cette base spirituelle? Les écritures sont pleines de bons exemples. Pourquoi commencer à faire des choses charnellement et provoquer les scandales sans honte? Que Dieu nous aide. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Le ministère, c'est le ministère de l'Esprit. Il faut que Dieu parle. Non pas un groupe de prophétiques. On a parlé de deux individus. On les a nourris nuitamment avec des bons paquets de biscuits. Et on les a entraînés, on leur a dit, demain vous allez tourner des prophètes. C'est la politique de l'église. Et après qu'on ait fait des montages comme ça, on a un groupe de gars, alléluia, alléluia. Il a dit, des sorciers. Frères. Il faut que Dieu parle de lui-même. D'une manière tellement claire et convaincante. Amen. Amen. L'église, c'est l'église du Seigneur. C'est pas l'œuvre d'un individu. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Laissez Dieu en prendre la charge. Laissez Dieu y placer l'ordre lui-même. Mais quand c'est une organisation humaine, mais comment voulez-vous qu'ils s'attendent à Dieu? Parce qu'ils n'ont même pas besoin de Dieu. Ils ont tout, ils ont tout. Ils ont la coutume, ils ont le traditionnel. Ils ont la politique, ils savent dribbler. Comment provoquer même des prophéties? Des prophéties préparées dans une réunion dans. Dès que hier copé ça, comme ça, yopé ou l'anisa. Et puis wana, aïe côté à clôturer. Et comme il m'a trois témoignages. Et puis c'est fini. Ah! Dans l'église! Et des gens qui sont fanatiques, qui ne voient rien, qui n'ont ni le Saint-Esprit, ni la vision céleste, ils partent même témoigner. Ils partent même témoigner. Là où on a concocté ça. Et pas il se passe des choses dans les églises. Même dans les assemblées du message. Les prophéties triquées. Les prophéties. Amen. Entre ces gens-là, l'Esprit de Dieu doit agir de lui-même. Il doit être conforme à la parole. À ce moment-là, nous ne connaissons personne selon la chair. Ah, une identité d'une personne t'aura été donnée. Alors, tu regardes quand les choses sortiront de lui. C'est pas vrai? Mais quand tu ne connais pas encore quel esprit il a mis, quand il a vu, il a dit, tu vas oublier l'amen. Même quand c'est un démon qui parle, il ne sera pas distingué. Que Dieu nous aide à croître et à placer notre confiance dans le Dieu des esprits de toute chair. La confiance dans le Dieu de ta foi. Il peut te révéler les identités même de prétendus serviteurs. C'est ce qui te dit sa porte et qu'il est soldat. Il a fait que nous l'avons dit, nous pouvons le répéter. Mon Dieu est capable de me faire savoir qui est qui. D'une révélation tellement claire et forte, et conforme à la parole. Dieu de la Bible peut le faire. La Bible, ceux qui s'attendent à l'éternel, et nous allons leur comme ça m'a passé mon cas. C'est vrai? Vous serez fort comme cela. Alors, en Jean chapitre 6, vous le savez. La parole, la parole est insinuante. Il est insinué de vérité. Jean chapitre 6. Vous voyez le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et pour juger de la véracité de la parole, ne voyez-vous pas qu'il vous faut l'esprit de Dieu en vous? Absolument. Quand tu vas te mettre à contester une vérité évident, à cause d'une vérité mal comprise, vous mettez la vérité en opposition avec la vérité. Non. L'Esprit de Dieu reconnaîtra la vérité. Même si c'est une révélation nouvelle que vous n'avez jamais entendu, quelque chose en vous, vous non, prends le temps d'analyser. Il y a des divins dedans. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans le statisme, dans le robotisme, dans le mimétisme. Vous répétez chaque fois les mêmes mots. L'Esprit de Dieu, il se meut comme il veut. L'Esprit va où il veut. Oui, frère. Il est libre de faire tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Mais ce sera conforme à la parole. Amen. En contradiction. Voilà. Un jour il y a eu un événement. Un événement s'est produit. Oui, salamaki. Et l'événement c'était l'apparition du Seigneur. Dans la nuit de gloire. Nous avons évoqué ça dimanche. Bien qu'en passant. N'est-ce pas? Nous avons évoqué cela. Bien qu'en passant, mais néanmoins, l'événement a eu lieu. Maintenant, comment il fallait juger ça? Frère Branham était aussi confronté à la question. Oh, comme c'est merveilleux. Je veux dire, dans les sermons, les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres sont l'expression de la foi. Il dit ceci. Prenons le paragraphe 130 d'abord. Et cela devrait vous remplir de joie. Là, je prends la version des fils. Si le frère met celle de Shekinah, vous pourrez comparer. J'ose le texte de Shekinah ici. Le même paragraphe 130. Exception l'expression de la foi, c'est prêché le 26 novembre. Voilà, pour une balle motoba. 26 novembre. Dans la zone minamoto, mon gars, quand on m'a commandé, il va tout comme ça dans la mitano. Des vrais pour remplir des joies. Il y a un mot, c'est une lèvre, c'est un mot. Et la grande différence. On est allé entre les chrétiens d'aujourd'hui. Et les chrétiens d'autrefois. Lorsque la vraie révélation de Jésus-Christ. Comme Emmanuel. Demeurait dans le cœur de ces hommes. C'était des hommes fermes. Mais aujourd'hui, il préfère écouter la voix des dénominations. Qui leur disent, oh, ces gens-là n'ont pas la révélation. Venez plutôt chez nous. Et alors, vous vous appuyez sur leur révélation. Et si leur révélation n'est pas en accord avec la parole de Dieu, elle est fausse. Vous allez à l'écouter. Il dit Amen. Les gens veulent se promener avec une révélation de groupe. Bah, ils veulent chanter. Nous avons la révélation. Nous avons la révélation. Mais si la révélation n'est pas en accord avec la parole de Dieu, elle est fausse. Ils allaient l'écouter. Que ce soit la mienne. Ou celle de qui que ce soit. C'est cela le critère. C'est la parole de Dieu qui nous dit ce qui est juste et ce qui est faux. Sommes-nous d'accord que pour cette révélation dont nous parlons, il faut que ce soit conforme à la parole. Ce soit en accord avec la parole. Ce n'est pas en accord avec la parole. Même si c'est la révélation de William Branham. Ou de qui que ce soit. Un homme dit, tenez ça pour faux. C'est que la parole doit être au-dessus. Elle doit avoir l'autorité. Alors, ici, dans la traduction de Shekinah, les œuvres sont l'expression de la foi. Où cela devrait vous amener à marcher avec toi. C'est ça notre problème aujourd'hui. Il y a une grande différence entre nous et les chrétiens d'autrefois. Lorsque l'authentique et véritable révélation de Jésus-Christ, comme Emmanuel, demeurait dans le cœur de ses hommes, étaient des hommes rudes. Là aussi, ça dit des hommes fermes. Il avait la fermeté. Ok. Mais aujourd'hui, on préfère être flatté par les gens qui disent, oh, je vous assure, ces gens-là n'ont pas la révélation. Venez ici. Vous vous appuyez sur leur révélation. Mais attention. Si leur révélation n'est pas en accord avec la parole de Dieu, elle est fausse. Que ce soit la mienne. Ou celle de qui que ce soit. C'est là qu'on en vient au texte. Le texte vient de la parole. Et la parole est esprit et vie. Il faut que l'esprit qui est là. Il a écrit la parole. Pour que ce que dit la parole et ce que dit l'esprit qui est en vous, c'est la même chose. Et s'il faut repousser une fausse révélation, et la Bible qui est la parole, et l'esprit qui est en toi, foutez-vous sur la débande. Amen. Et vous serez tranquille et vous aurez la fermeté. Parce que rien ne peut vous intimider. C'est là qu'on a bien en tête. C'est la parole de Dieu qui nous dit ce qui est juste et ce qui est faux. Sommes-nous tous d'accord? Sommes-nous tous d'accord? Alors, si nous prenons cette pensée-là, avant de revenir au commentaire sur l'événement là de 1963. Je voudrais lire ceci. Dans la prédication, le premier saut. J'ai les 18 mars 1963. Aussi vrai que je me trouve ici ce soir. Je vais vous montrer ce soir quelle je le sais. Parce que si une révélation est contraire à la parole, ce n'est pas une révélation. Amen. Jusque là, oui. Nous pouvons pousser les ailes jusqu'à dire ça, oui. Non seulement une révélation, quand elle est contraire à la parole, mais il prétendit révélation. Il soi-disant révélation. Il est contraire à la parole de Dieu. Pour nous croyants, nous chrétiens authentiques, qui avons la fermeté biblique. Pour nous, ce n'est même pas une révélation. Peu importe qui appelle sa révélation. Ah, c'est contraire à la parole. Ce n'est même pas du tout une révélation. Voilà. Il faut que ce soit conforme. Et vous savez qu'il y a des choses qui peuvent paraître absolument vraies et qui cependant ne le sont pas. Attends, elles peuvent paraître absolument vraies. Des choses qui peuvent paraître absolument vraies. Donc, c'est comme si ce sont des vérités absolues, vraiment. Mais pourtant, ces choses-là ne le sont pas. Elles ne sont pas vraies. Elles en ont l'air. Ils ont l'air de la vérité. Ils ont l'air d'être vrais. Mais elles ne le sont pas. Alors, examinez tout. Soyez sur vos gardes. Ne vous laissez pas flatter. Ne vous laissez pas flatter ni emballer. Examinez tout. Il y a des choses qui peuvent vous paraître comme absolument vraies. Mais qui, au fond, et en réalité, elles ne sont pas du tout. Elles ont l'air d'être vraies. Mais ce sont des faussetés. Que Dieu amène. Amen. Que Dieu t'assiste là. C'est ça. Elles en ont l'air, mais elles ne les sont pas. Elles avoir l'apparence de la vérité. Les gens en parlent avec beaucoup d'aisance. Beaucoup de liberté, c'est ça. Quand une chose est fausse, elle est fausse. Ça, ça, ça fait les révélations, mais c'est contraire à la parole. Ce n'est pas une révélation. Quelqu'un peut se lever et vous dire, je laisse la révélation. Laissez tonner. C'est quoi? D'ailleurs, en vérité, laissez tonner, c'est écrit dans la Bible. Laissez tonner, la Bible. Ah bon, c'est ça la révélation que tu veux. C'est écrit. Mais lisons maintenant la Bible. Si elle sait qu'on laisse étonner. Est-ce que c'est une révélation? Est-elle une révélation? Est-ce que cette révélation-là est-elle vraie? Non, elle est fausse. Nous retenons ce que la Bible a dit. Elle n'est pas écrite. Oh, c'est la révélation, c'est écrit. Elle n'est pas écrite. Arrêtez de raconter des blabla. Oh, vous êtes extrémiste, oui, tant pis. C'est toi qui l'as dit, c'est pas Dieu qui m'a dit. Toi qui n'es pas Dieu. Je ne laisserai jamais. Je dis que c'est fruit par la grâce de Dieu. Ce que Dieu dit de moi, c'est vrai. Alors, ici dans les sermons, réveillez Jésus. J'aimerais lire ceci. Réveillez Jésus. Prêchez les 17 Jean 2000 ans. C'est la parole. C'est le programme de Dieu. La révélation complète de ce qu'il est. De ce qu'il est. Et de ce qu'il sera. C'est une révélation continue de Jésus. Et cette Bible Et là est une révélation complète de Jésus. Suivez ceci. Toute révélation contraire à lui. Disons ce qu'il ferait. Ce qu'il est aujourd'hui. Ce qu'il est dans le passé. Ne croyez pas cela. Amen. Une révélation contraire, elle est d'abord fausse. Une révélation qui s'oppose à la parole, elle n'est même pas une révélation. Maintenant on a fait. Une telle révélation, même si les gens pensent cela, ils ne peuvent pas penser de cela, ils s'appuient sur cela, ils en parlent avec beaucoup de sens. Vous ne la croyez pas. C'est le messager qui vous protège par la parole de vérité. Ne croyez pas cela. Ça doit être le même Jésus. Voyez, c'est donc la parole. Êtes-vous là? Toujours, c'est cette même place de la révélation. Mariage et divorce. C'est le 181 février 1984. Et savez-vous que le livre tout entier, la Bible tout entière est une révélation. Savez-vous ça? C'est comme ça que vous devez connaître la vérité. Entre ceci et cela. C'est parce que c'est une révélation. Donc la Bible, c'est ça la révélation. Alors si une prétendue révélation vient, elle est contraire à cette révélation. Ce n'est même pas une révélation. Tout est fait dehors. Vous ne croyez pas. Elle est fausse. Et la révélation doit concorder exactement avec la parole et non aller à l'encontre de la parole. Vous dites, eh bien, cela m'a été révélé. Alors si c'est contraire à la parole, ce n'est jamais celui que tu es. Ok. Une révélation contraire. Non seulement ne croyez pas cela, non seulement c'est faux, non seulement ce n'est même pas une révélation, retenez aussi que ce n'est jamais venu de Dieu. Même si l'homme entre en transe pour vous dire, vous devez montrer l'onction qui avait sur lui quand il a dit, vous ne pouvez pas influencer par ces choses charnelles. Le charnel, le juger va par ça. Nous disons selon l'esprit, l'esprit a écrit la parole. Il rend témoignage à la parole de Dieu. Quand une chose va à l'encontre de la parole, ce n'est jamais venu de Dieu. Qui dit amen? Et si kala ko uta na nzambe ata mukolo moko te, ata bala moko pete. Et c'est le même parole. Foutez ça dehors. Restez tranquille. Soyez en sécurité. Vous allez ne craignez rien. Au banc à l'autre côté. Tenez-vous en à la parole. Vous allez vous faire votre mauvais livre là. C'est ici qu'on en vient au texte. Vous allez C'est la parole qui dit ce qui est juste. Vous allez pouvoir vous donner ce ce qui est faux. Vous allez à l'écoute. C'est la parole. Vous allez lire là. Par un individu avec ses illuminations, avec ses soi-disant révélations, l'impression de l'émotion, il regarde ça pour lui-même. Entre moi et ma foi, je marcherai par la révélation biblique. Par ce qui est scripturaire, tout ce qui est concret, dehors. Amen. Tenez-vous-en à ça. Vous allez vous faire un commencement. Ils avaient cette révélation à eux. De Jésus-Christ comme étant Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Ils avaient la fermeté. Ce n'étaient pas des gens ballottés. Ils avaient une position ferme. Ils savaient à qui ils sont cru. Ils savaient qu'est-ce qu'ils ont cru. Et nous voulons en arriver au même niveau. Nous sommes au temps de la restauration. Dieu qui a promis la restauration. Dieu s'est manifesté au temps de la paix. Il est apparu en 1963. Et cela aussi était le fruit d'une réveillance. Retournons à la prédication. Les œuvres sont l'expression de la. Les œuvres sont l'expression de la. Traduction de Shekinah, à partir du paragraphe 252, à 256. Peuple n'a dit ceci. Pour parler de cet événement-là. Cela m'a été révélé. Cela m'a été révélé. Comme quoi? J'irai en Arizona. Et là, cet ange viendrait à ma rencontre. Et il me donnerait alors un message que je devrais prêcher. Une révélation lui a été donnée. Annonçant un événement imminent. Comme quoi lui, William Branham, devait se rendre en Arizona. Arizona, c'est comme un des États, des États-Unis d'Amérique. Un langage territorial congolais, on appellerait une des provinces de la RDC. Et à la manière des États-Unis d'Amérique, c'est un État. Ce qui vaut comme province ici chez nous, là-bas c'est tout un État. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est 52 États. Qui constituent un seul pays. Ok. Cela m'a été révélé que j'irai en Arizona et là cet ange viendrait à ma rencontre et il me donnerait alors un message que je devais prêcher. Il ne l'avons pas dit dimanche. En 1962, Branham était à bout. Il a sollicité les prières des saints avec le Saint. Il a même dit, ne vous contentez pas de me promettre que vous allez le faire. Faites les prières. J'en ai tellement besoin. Il pensait peut-être que c'est fini son œuvre. Mais que quelque chose d'autre du message soit béni. Mais comme nous sommes sans recevoir le courrier, prépare quelqu'un d'autre. Si tu as fini avec le reste, tu vas apporter le reste du message. Ce que moi je n'aurais pas donné. La fonction que je n'aurais pas donné. Lui alors donnera cette fonction. Mais dans un âge, il ne peut pas y avoir deux messages. Le Branham ne devait pas avoir ce genre d'idée. Mais c'est humain d'en avoir. Les alina bon moto, vous pouvez parler à n'importe quoi. Mais sachez que la parole est votre repère. C'est votre boussole qui vous indique le chemin. Qui vous relève de vos faiblesses. Que la parole fasse cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça lui a été révélé. Au mois de décembre 1962. Environ 7 mois. Après qu'il ait déclaré qu'il était à vous. Il faut solliciter le prière de l'église. 7 mois après, une vision lui est donnée. Et cette annonce qui devait se rendre en Arizona. Et là-bas, cet ange viendrait à sa rencontre. Et cet ange du Dieu du ciel. Et il lui donnerait un message qu'il devrait apprendre. C'était le sept sceaux. Le message en question c'est quoi? Les sept sceaux. C'est pour ça qu'il a toujours été fait insistance sur ce livre-là. Dieu du ciel s'est dérangé. Il est descendu pour se rendre visible. Il donnait son message pour vous et pour nous. Qu'est-ce que nous en faisons? Vous allez que nous les méditons vraiment comme ça. Les sept. Que Dieu nous aide. Mais ce message particulier. Amen. Amen. Et cela est arrivé. Donc, la révélation qui lui annonçait un événement imminent, cette révélation s'est concrétisée. Combien se souviennent que Jésus sera sur les bancs et avant que cela arrive, et cela est arrivé. Et une révélation. Et les magazines et autres en ont publié la photo. Cette lumière dans les airs, ils ne comprennent même pas ce que cela signifie. Et pourtant cela est arrivé. Et je me rappelle avoir téléphoné à frère Jacques Mou. Et lui avoir posé la question au sujet de Christ qui se trouvait là. Et frère Jacques a dit, là, c'est son état glorifié. Frère Jacques Mou était un théologien de formation. Il a recueilli un peu son opinion. Non, là, c'est Christ dans son état glorifié. Vous voyez, jeune frère Jacques, il est l'un des meilleurs théologiens que je connais. Mais je ne trouvais pas cela satisfaisant. Qui? Le point de vue du théologien versé dans les Écritures. Mais ce n'est pas satisfaisant. Juste prendre ce nuage et puis dire, notre commentaire, c'est que c'est Christ. Non. Non. Ce n'est pas satisfaisant. Nous aimons bien notre frère. Il n'est pas arrivé au point. Je me tenais là. Et j'ai dit, il y a un Père Céleste, le Dieu de Moïse, à qui Moïse a adressé sa prière, le Dieu de Branham, à qui Branham va adresser sa prière, le Dieu de ta foi, auquel tu dois adresser ta prière. J'espère que c'est le même Dieu. Et il t'exaucera. Je me tenais là. Et j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce? Il a posé la question à un frère théologien. Il a donné une n'est pas pleinement satisfaisant. Retourne alors à ton Dieu. Demande-lui. Qu'est-ce? Peux-tu le faire? Au sujet des choses de l'esprit? C'est spirituellement qu'on ajuste. Et il faut que le Père des Esprits dise des mots. Ne te contente pas des opinions charnelles. Loin de le Père, il est spirituel. Ne te trompe pas. Nous avons un Dieu réel. Il peut lui poser des problèmes. Il peut résoudre ses problèmes. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce? Un jeune homme là, voilà, là je dis, avec le des cheveux comme la laine. Mon frère répond que c'est Jésus-Christ dans son état glorifié. Mais j'espère que ça ne déclique pas là. Ça ne fait pas dire la main spirituelle. Ce n'est pas pleinement satisfait. Alors toi, Seigneur, dis-moi qu'est-ce. Ok. Et il a dit, c'est le Seigneur qui commence à répondre. Il porte une perruque. Le théologien n'a pas vu la perruque. Le théologien a vu le gros plan et il a dit, c'est Christ dans son état. Mais quand tu vas auprès de Dieu, il t'apporte la révélation en détail. Il est l'enseignant par excellence. Sachez qu'il fait mieux que quiconque. Il fera mieux que tous. Voilà. Il commence par lui dire, il porte une perruque. La révélation au sujet de l'événement. Une chose qui s'est produite, mais Dieu lui a révélé le contenu. Ah, quel Dieu merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux nous possédons. L'événement est venu de lui. Le nuage a été filmé. Mais maintenant les explications, la science ne l'avait pas. La théologie ne satisfaisait pas. Mais Dieu savait tout. Alléluia. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. Vous réussirez. Non, vous serez affermis. Vous serez affermis. Ok. Confiez-vous en l'Éternel. Vous très important. Je commence par lui dire, il porte une perruque. Il nous dit du prophète Souf. Ah, ok. Oui, c'est une perruque. Regardez dans le livre. Je l'avais annoncé avant que cela n'arrive. Et ce jour-là, quand cela arriva, cela monta. Et alors, bon. Tournez cette photo de côté. Si vous avez le magazine Look, le magazine Life, tournez-le de côté. Il est là. Tout aussi parfait que la tête de Christ, Topman. Tout aussi parfait. Et moto à Christ, Azaliwana. Azaliwana. Il est là. Amen. Le Christ. Tête parfaite. Moto où est Bongibé. Regardant en bas. Kotala kanase. Juste là où je me tenais. Et la voilà dans le magazine. Bon Dieu, on a déjà vu cela. Bon, évidemment, vous tous vous l'avez fait. En regardant en arrière, cela a prouvé que cette révélation était correcte. Alors, pourquoi porte-t-il une perruque? Eh bien, les anciens juges anglais, eux qui va même fouiller un détail d'histoire profonde, les anciens juges anglais, les juges juifs, avaient l'habitude de porter une perruque. Ils le font encore en anglais. C'est l'autorité suprême. Il porte une perruque. Il est apparu là. Et les ailes des anges formant sa perruque. Il est l'alpha. Et l'oméga, il est le juge suprême. Et il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. Il doit être considéré comme l'alpha et l'oméga. Et il était là, un jeune homme, de pas plus de 30 ans, portant une perruque blanche. Cela montrait qu'il était le suprême Dieu, le Père, qui a remis tout jugement entre les mains du Fils. Amen. Cet événement là, c'était le Père, le Suprême, Dieu, Zambé, qui a remis tout jugement entre les mains du Fils. De ça qu'il s'agit. Il était là. Il portait une perruque. Voyez-vous la perruque? Ça là. Ici la perruque. Sur sa tête. Une perruque blanche. Maintenant, la constellation ici, le cercle ici, pyramide comme un triangle équilatéral, vous voyez, à base élargie comme ça là, ça c'était les ailes, l'éclat des ailes des anges. Vous voyez même la forme ici en bas, ça a la forme des ailes. Ce sont les sept anges qui sont montrés à William Branham dans la vie. Après l'événement de sa compagnie, quand ils sont montés, ils ont formé une constellation autour de la tête de Christ. Et sur la tête de Christ, il y a la perruque blanche que l'ange, que le Seigneur montre à son prophète. Et la signification de cette perruque, c'est que il est le juge suprême. Il est le Dieu suprême. Le Père, Tata, mais qui a remis tout sur ce mot, entre les mains du Fils dont vous voyez le visage. Amen. Le Fils, Mana, qui ne jugeait personne, Mana, mais le Père jugeait personne. Mais il est écrit dans Jean, que le Père a remis tout sur ce mot aux mains du Fils. De même que le Père juge, le Fils juge aussi. C'est une confirmation de la divinité suprême de Jésus-Christ. À l'intérieur de cette divinité, il n'y a pas trois visages, il n'y a pas trois personnes, il n'y a qu'un seul visage, il n'y a qu'une seule personne. Le visage n'est pas de William, c'est Jésus-Christ. Au temps de William Branham, c'est Jésus-Christ qui est. Jésus-Christ qui est dans Dieu suprême. Le Dieu de William Branham. Le Dieu suprême. Il n'y en a pas d'autre que lui. Qui t'y amène là? Là, si tu es distrait, le Dieu viendra te dire que Branham est Dieu. Misérable. Écoute la vérité. Que Dieu a confirmé divinement. Il est descendu lui-même. Il est apparu en personne. Il s'est fait photographier. Le témoignage restait là. Amen. Combien de visages à l'intérieur? Il y a combien d'yeux là-bas? Même les yeux de cet ange ne se voient pas. Il n'y a que les yeux d'un seul. Et les yeux le suprême. Et lui l'adorable. Et lui l'adorable. Et lui l'adorable. Et lui l'adorable. Comme sur le mont Carmel. L'église de Saint-Louis devrait se crier. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et lui l'adorable. Ça, c'est une démonstration magistrale de la divinité par le surnaturel, non pas la chair, l'esprit qui a produit l'événement. C'est béni ciel ou la révélation. Le Seigneur soit béni pour vous. C'est ce qui réveille votre corps. Il dit, cela montrait qu'il était le suprême. Dieu, le Père, Tata, qui a remis tout jugement entre les mains du Fils. Alléluia. Amen. La révélation ne trompe jamais. Quand vous l'alignez avec la parole et que se conforme à la parole, elle vous dit la vérité. Ça vous permet de connaître la vérité. La révélation ne trompe jamais. Exprimez-la de toute façon. Peu importe à quoi elle ressemble. Si elle est en accord avec la parole. Dites-la. Exprimez-la. Si vous avez la révélation, nous allons vérifier ce qui se conforme à la parole. Mais quand vous commencez à nous fuir, nous saurons que votre révélation est fausse. Vous pouvez être monté là, vous allez vous faire. Vous allez vous faire. Vous allez vous faire. Vous allez vous faire. Vous allez vous faire. Vous allez vous faire. Vous allez vous faire. Vous allez Amen. Quand c'est faux, on ne va pas regarder ton visage. Vous allez dire, monsieur, tu as menti. Vous ce n'est pas du tout vrai. C'est la parole qui est vraie. Amen. Cet esprit fuit la parole. Mais je sais de quoi je parle. Amen. Le Oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré. Vous pouvez étaler tout pour qu'on juge. Pourquoi vous aussi? Pourquoi tu m'as jugé? Toujours jugé. Mais Dieu, il est souverain. Souverain. Pour que nous puissions te donner nos âmes, que tu commences à nous tromper. Au nom du Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit à message. Oui, il y a un catholique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au Rwanda. Il y a l'okuta wana. Eh, wana, ou quoi, mais maman, bah, tout, ben, beaucoup, c'est comme ça, la Bible, la Bible, ma fantine, la Bible. Mais, bisika, foi biblique et salie. On ne va pas se laisser manipuler. Wana, kokotika, dit, le reste à sa place. Mon méca, nous allons, si, quand, en nous ne serons fanatiques de rien. Amen. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ici, on n'a pas de lumière. On a parlé pour ça, la soif en enquêté. Ça va être conforme. C'est le cocana. Quand ce n'est pas conforme, c'est le cocanité. Ah, c'est quoi tout est? Ibanda. Ibanda. Maintenant, vous voulez que Dieu vienne révéler les choses d'après votre conception? Quand il va poser une telle question, ça montre que tu ne rien de la parole. Vous allez consoler le côté à l'église. Il ne s'agit pas de la conception d'un individu, mais la vérité exposée avec la vérité. La confrontation et la révélation avec la révélation. C'est ce qui nous aidera à savoir. Et Pierre dans Matthieu 5, après avoir reçu les révélations, sa révélation était en accord avec la parole. Et cette révélation-là, c'est ce qui lui a permis de dire qu'il était Jésus-Christ. Et je voudrais que la même révélation, ou le même genre de révélation, pour vous permettre de dire qui est William Branham. Que la même révélation vous soit donnée aussi. Pour vous permettre de savoir quel ministre vous faites. Dans cette église. Révélation. Et mon Seigneur. Révélation. Et mon Isélie. On va déceler. On va déceler. Si le jugement est charnel, on va trouver des failles et des failles. Et quand Pierre a exprimé une révélation authentique, originale, c'est stimulant. La révélation du Seigneur stimule. Ça pousse à l'ardiesse. À la grèce. À la joie. On est fort avec ça. C'est un fortifiant. Amen. Pour connaître ça, il a fallu la révélation. Et pour qu'on comprenne aussi ça, il a fallu la révélation. Pour que toi aussi tu saches de quoi il s'agit. Il te faut la révélation. Amen. Sans quoi, malgré ceci, tu peux encore quitter le message, retourner sur les cadres. Comme un frère qui avait été un frère. Savez-vous ce qu'il prie maintenant? C'est comme on dit Wallace. Il a été membre de cette église. Royal du message. On dit Massango. Natouniye Alubi, pasteur, n'a où semblé pas comme on dit Wallace. Ah! Boutamou. Malgré tout ça, tu peux aller vous manger ces choses. Ah, ça n'est pas le cas. Ou, n'a moni, Zambazo Sal. Zambazo Sal. Seigneur mon Dieu. Il faut la révélation. Quand vous n'avez pas la révélation, vous pouvez fréquenter l'assemblée pendant des années. Mais votre nature va se dévoiler. Vous allez manger à la table de corbeau. Et vous mangez avec appétit de coquin sauvage. Vous allez courir à ma titi à mon bébé à ma bébé. Et nous le dire à mes. Voilà, bilan à Bolono. Car le Saint de Dieu ne peut pas tolérer. Le Saint de Nazan a beaucoup de personnes derrière son côté. Histoire pour danser. Au côté, dans ma campagne à copine. Mon frère, soyons sérieux. Ça va n'aller au divan de cour. Malgré tout, c'est évident que Dieu a donné. À Taban d'Angano, cela va s'il copier ça. Il y en a encore au niveau des prières, des groupes de prières. Ounana et Tonga, ma bonne délit. Le message ne dit vraiment rien. Ça vous allez pour le verre à l'autre côté. Tu as le zèle des groupes de prière. Et le croyance des groupes de prière. Loin de là. Nous avons reçu une révélation suprême. Mais au niveau. Il te sélectionne comme vainqueur. Et tu vaincras par la parole. Amen. Ce n'est pas par tes œuvres. Mais c'est par la parole que tu vaincras. Que le Seigneur a dit à Pierre. Vous allez péter. Tu es Pierre. Vous allez péter. Et sur cette pierre. Les colonnes de Silo. Cette révélation. Les colonnes de Silo. De qui je suis. La révélation que tu as simplement reçue. Et mon Silo aussi pour l'amba. Quoi de la chair et du sang. Il y a mon père qui est dans les cieux. Satan a mangé la colo. Cette révélation. Les colonnes de Silo. Je bâtirai mon église. La coton de Christ en Angaï. Et les portes de ce jugement. Ne prévaudront pas contre. Frère Brenham dit que l'église du Seigneur Jésus-Christ est bâtie sur la révélation. C'est ce qui la rend invincible. Et nous apprenons ce soir que la révélation, il ne s'agit pas d'inventer des théories. Contre la parole, pour me dire que c'est devenu spécial. Mais il s'agit de recevoir la vérité divine, les commentaires que Dieu ajoute, qui vous permet de comprendre plus clairement ce qu'il a écrit. C'est la révélation. Ce sera aligné conforme. Jamais à l'encontre, jamais. Vous allez côté les c'est amen. Amen. C'est amen. Amen. L'église du Seigneur est bâtie sur la révélation. Et toutes les portes de ce jour de mort. Même si elles peuvent combattre acharnement. Ils ne pourront jamais gagner la victoire finale. Et à cause de quoi? De la révélation. Matthieu 16, verset 8. Tu es Pierre. Vous allez péter l'eau. Sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de mort. Ne prévaudront point contraire. Dans les sermons, Christ est le mystère de Dieu révélé. Que les frères ici sont traduits par Christ est la révélation du mystère de Dieu. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Christ is the mystery of God revealed. Christ est le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est original en anglais. Christ est le mystère de Dieu révélé. Là-dedans, Frère Brenham dit, tout le séjour de mort, tout l'enfer, est opposé à cet enseignement sur la révélation. Pouvez-vous voir à quel point tout le séjour de mort, tout l'enfer est opposé à cet enseignement sur la révélation. Ils n'en veulent pas. Or l'église du Seigneur est bâtie justement et sur la révélation. Elle est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Tu ne peux pas progresser sans cela. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans révélation. Mais ils n'ont pas de zamba. C'est Jésus-Christ qui est Dieu suprême. Il est Dieu de William Branham. C'est lui qui a la foi des amen. Alors, Dieu voulant, nous continuerons. Demain, s'il va confirmer cette conduite, Dieu nous aide vraiment à voir clair. Que surtout nous ne puissions connaître plus personne selon la chair. Il est le Dieu de la révélation. Non pas des chantages. Dans la tranquillité, dans le calme, qui met avec Dieu. Vous savez connaître beaucoup de secrets. Avant que ça ne et vous serez un économe des choses de Dieu. Vous serez la moto d'aller courir la moto qui s'accoule dans la camionnette zambé. Pas un chahuteur. Vous serez la moto d'aller courir le bac à pambati. Non. Et vous serez un économe des choses de Dieu. Et il y a l'impact et la manière d'en parler. Et Dieu vous bénisse. Zambe a pambo la bino. Et bon, nous pourrons prier. Il est un espoir qui toujours soulage les cœurs fatigués, lassés du chemin. Il est un repos au bout du voyage, à toutes nos luttes, il est innocent. C'est la cité, cité du ciel. Ah, ah, ah, et bon. Oh, je suis la nouvelle terre bientôt. Face à face, un jour nous le verrons. Il a promis de revenir pour la faire. Ça ne faillira pas. Vous la révélation ne fera jamais. La promesse ne faillira jamais. Dieu le fera bientôt. Zamba kusala ngo kala mingite. Bientôt au ciel. Ne plus connaître personne. Mais seulement par révélation. C'est possible avec Dieu. Je peux te lever à ce niveau-là. Je vais jamais laisser autre fois à ce niveau-là. Je vais te lever à ton tour à ce niveau-là. Nous sommes à la maturité. L'adoption de Fils. Nous devons atteindre le sommet. Dieu l'a prévu. Zamba la kaki yango kuma na suka. Prions chacun. Je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il cède, pour mourir sur l'infâme, ou attaché à la croix pour moi. Jésus-Christ attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la grappe, il a pris la paix, empêché, il m'a délivré. Attaché à la grappe, il est donc. La parole de moi. Nous devons le connaître par révélation. Selon l'Esprit, il est le Dieu suprême, le juge suprême. Il n'y a point d'autre juge en dehors de lui. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui, Jésus-Christ. Il nous faut connaître tous. Connaître Christ et connaître tous. Par révélation. N'oublie pas cette leçon. Par révélation. Connaître Christ. Et tous par révélation. Dieu peut te faire parvenir à toi. Dans ta relation avec lui. Il est le Père des esprits. Il est le Dieu des esprits des poussières. Il en connaît les identités et la nature. Il peut le révéler à qui il lui demande. Tu es dans les besoins et tu es le Père. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, remercions pour la leçon de ce soir qui nous apprend à connaître Christ et connaître tous Christ. Par révélation. Non plus selon la chair. Mais par révélation. Oh Dieu, stimule mon frère et ma soeur. A développer sa relation avec Dieu. Améliorer cette relation. A débarrasser de tout ce qui est faux. De tout ce qui est alourdi. Tout ce qui détruit. Tout ce qui égare. Et tout ce qui emboute. Qui occupe inutilement notre temps. Délivre chacun, Seigneur. Pour se concentrer sur la relation avec Dieu. Pour se concentrer sur la relation avec Dieu. Vous pouvez lui adresser des questions, poser des problèmes, et trouver des réponses à la révélation. Et des révélations qui sont conformes à la Bible, à la parole de Dieu, qui nous rendront fermes, inébranlables, imperturbables, persévérants, très fidèles. jusqu'au bout. Jusqu'à ta venue. Que des choses honteuses ne soient plus mentionnées dans nos vies. Que des choses mondaines ne soient plus mentionnées dans nos vies. Que les souillures de la chair soient éloignées de nous. Que cette révélation nous fortifie. Nous attache à Dieu. Nous maintienne dans la piété. Dans la présence de Dieu. Dans la vie de prière. Exauce-nous, change-nous Seigneur, transforme chacun à l'image de Jésus, notre divin modèle, l'exemple parfait que nous voulons imiter de produire, que tu tiennes que pour moi. Exauce notre prière, fais du bien à chacun qui s'attend à toi. Révèle-toi Seigneur, révèle-lui quelque chose, révèle-toi Jésus. Nous te remercions d'avoir éloigné la pluie de ces cadres. C'était si simple. Aussitôt que nous avons commencé la prédication, la pluie a commencé. Et ça pouvait gêner terriblement. Nous avons dit, demander de faire prévaloir sa volonté. Et parce que si nous comprenons encore, cette pluie ne venait pas de toi. C'était un dérangement satanique. Mais que ta main puissante vient de repousser. Et ça nous a permis de consacrer tranquillement, dans les bonnes conditions, comme nous t'avons demandé. Il n'y a pas eu coupure de courant. C'est dans les bonnes conditions, dans le calme, sans éclair, sans coup de tonnerre, sans bruit, sans être plus sur le sol, sans souhaitement ni rien. Tu es bon. Et tu mérites nous remercier. Tu nous as fait du bien dans la sainteté. Dimanche, tu as encore agi. Et chaque jour, tu agis. Le témoignage que nous avons entendu. Amen. De ceux qui ont bénéficié de ta guérison. Ici sur place à Kinshasa. Même une sœur qui a suivi le culte en ligne. Ta puissance se démontre. Chassez les douleurs dans les corps. À distance là-bas. Oh Père, tu es bon. Ton nom soit élevé. Voyons que chacun peut témoigner de ta bonté. Chacun peut bénéficier de ta puissance. Car tu vis dans ta parole. Tu honores encore ton évangile. Tu es fidèle. Que ton nom soit élevé. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, te disons grandement merci. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Au couvent d'art.